C'est ainsi que je vis, et cependant, faut-il tout dire? Je vis quelquefois heureux de vivre, quoique attaché à ce pilori du travail forcé qui ne déshonore pas, mais qui tue. Eh bien, savez-vous pourquoi je supporte la vie? C'est par la vertu même de ce travail à mort qu'est ma condition. Tout n'est pas supplice dans ce travail à mort, non. Le travail à mort, comme tous les autres supplices infligés par la Providence, a aussi sa goutte d'eau dans l'éponge, à la pointe de la lance qui a bu le sang. J'ai renoncé pour toujours à tout rôle ici-bas. Je l'ai fait sans peine, car ce rôle, je vous l'ai dit devant Dieu, ce n'était pas ma personne, c'était ma consigne. En quittant la scène, il n'est rien tombé de moi avec la vie. Dans mes déceptions, rien ne m'était personnel. Je travaillais pour l'humanité, j'ai été déçu dans l'humanité. Que Dieu l'assiste, l'homme n'y peut rien.